Nzubilari mina Sheitoan Rajim. Jean-Marie Lukulasi Donking. Mon vieux Martin Fayulu Shenkin Wolf et Fadenhaus. Atakati Mukila, Atati Koli Maseke. Okoye Koye Nabisale. Yasso. Kati Boli Mweza Melia double tranchant. Et dans la deux saisons, Boli Mweye. Nata Mwamfula, et bien ami parapluie. Nata Mwamoui, et bien ami parasoleil. Et dans ma balou kanta moi, Boli Mweye. Tantôt va plaisir, tantôt va souffrance. Les années d'Ilinana, il faut savoir accorder. Sauf qu'elles a désaccordé au cause un mauvais son. Elles a compliqué, bolimweye. Elles a compliqué, l'amour à moi. Les pacificateurs jusqu'au bout, Vital Kamere. Ah, ato kati mkila, ato kikoli maseke. Makoye bayo na bizale. Ale sakielu mwana. Sabola finanga. Beethoven, Yombo Germain. Kati boli mweza mbeli a double tranchant. Et dans deux saisons, boli mwe. Nata mwamfula, et bien mami parapluie. Nata mwamouye, et bien mami parasoleye. Et dans ma balouganta mwa, boli mwe. Tantôt va plaisir, quelquefois va souffrance. Et dans les tili nana, il faut savoir accorder. Désaccordé aux un mauvais son. Et ça compliqué, Boli Mweye. Et ça compliqué, l'amour à moi. Allez, beauté à la mobali à t'aimer. Mobali à battre maman et vie. Coco et Naomi Marie Evelyne. Maître Vincent Gomez, toujours respect. Jean-Marie, reviens une fois encore. Nama Kolonana. Reviens une fois encore. Maintenant c'est très dégueulasse. Mais pourquoi? Tu connais les monaka bébisanza. Oh Jean-Marie Sanzeli, boli monangaï. Lukula zia babeli, boli monangaye. Boli monangayo ya basache. Boli monangayo ya sika sika. Boli monangayo ya mombamba. Boli monangayo ya bakarton. Jamari ya sanzeli boli moyango. Lukula zia babele boli monanga. Angayi mawatro, angayi patyeleke. Emile Lukula si popol mon passé. Papi au Congo. Nene na goma. Nesika na kola na katye na ngai. Agali des anges. Nesika na kola na katye na biso. Mi baya ba genre ba ya kapo ba balangai. Ah bon? Oye pa kola mi pe ba ya kapo ba pa kola ngai. Ngai na buwagisa na la na sheri na nga. Mawa. Ngai na buwagisa na la na sheri na nga. Dala lelo yo. Merci ya pesi ngai. Dala lelo yo. Merci à Pessi Maï. On zame nana, nana ye. On zame à maman, nana ye. On zame à Agassou, Souleymane. Yaya Kati. Zame à Souloutani, Souleymane. Nakimina lo sambo, kunapena lo sambo. Moussalem zamba, dragena, Gilbert Biladi. Hey! Les dinosaures, capitaine Rigobert Song. Trésor loi loi. Jean-Marie. Alexis Chabani. Yo conjite moi si mon sousou na chambre à moi. Nathalie semblant à la la pongi yeyete. Nathalie semblant à la kanamito pongi mona. Biengana ya nambeta mona te pardon. Mona tozoua na pasie. Josué de Luka na bandonas. Mona toluka na bongoko. Lolingo bomaye le loco mio pesa y samba yo dama casa oyanze tembo takamuma memuma obete da suka lima misisa na wazo nye kwa lisa yo miranda kona yo ye yo go kata momo yo go kata kata yo go tena momo yo go zena zi yo go kata momo gima pendo oma na lingie Berti Bangani Oliwe Zouana Monga Yumana Dunia Kilanga Oliwe Latisa Pali Tenia Bayuma Oliwe Ponana Mo Dominique Kamu Oliwe Ponana Mo Horizon Masama Oliwe Ponana Mo Gregory Mema Oliwe Ponana Mo Célèbre Japonais Bonini Son Étudiant Oliwe Ponana Mo Décos Mpoko Oliwe Ponana Mo Ben Joli, but you went for an angel de Moniato, Yabusco Bobe, Vincelo Sala. Only went for an angel François Papa di Mobalia Sita. Only went for an angel Imperatrice Widi la Moleka Glamour. Only went for an angel Angel Temu. L'homme qui a sauté l'égoïsme d'Anis Sumbu Mobalia Mama Alpha. Ah, Zambé, Zongita Palina na Potayako. Nita palina nga boza ya koto toto na nama Kama bofeta Kama bofeta Sanga queen Kama bofeta Andame Songita jamarina nga boza ya koto Nita sherina nga boza ya koto toto na nama Kama bofeta Docteur Movan Sakanye Kama bofeta Eric Gwenye Mobali Comment vous êtes-vous?